Join me on R.I.G. Ne cherchez plus. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet pour la 493e saga des Fab Four sur RIG 90.7 qui est le mercredi soir la radio des Beatles jusqu'à 22h et 2 minutes à peu près. J'espère que vous allez bien, j'espère que si vous êtes en voiture en train de rentrer chez vous, rentrez vite, il est 20h, c'est pas normal en principe, sauf si vous avez une autorisation. Si vous êtes chez vous en train de faire à manger, eh bien bon appétit. Si vous avez déjà mangé et que vous écoutez tranquillement avec un casque sur les oreilles la saga, eh bien bienvenue. Et puis je pense également aux auditeurs de très très très loin, notamment par exemple une Rita à Rio de Janeiro, il me semble, hein, voilà. Donc je lui envoie le bonjour, je ne sais pas quelle heure il est là-bas, mais il n'est pas 20h, c'est certain, et ben voilà, c'est une nouvelle, enfin, ça n'est pas une nouvelle auditrice, mais elle a laissé un petit mot sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, pour se manifester, et vous pouvez le faire vous aussi, et ça m'a fait grand plaisir. Donc, bonjour à elle et bienvenue dans le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Allez chercher, vous allez voir, c'est facile. L'album d'aujourd'hui, c'est pour fêter les 50 ans un petit peu passés de Plastic Ono Band. Un album est ressorti avec 8 disques, 8 CD. Donc on a plein de bonnes choses. Il y a 17 chansons sur 30 de prévues qui ne seront que du Lennon. Donc je vais vous citer que les principales. Working Class Hero, Mother, Remember, Love, Instant Karma et God pour le début. Mais il y aura également des démos, il y aura des versions différentes, des jams, etc. Rien que pour Lennon, ce sera bien. Aujourd'hui, pas de Beatles, puisqu'on a les quatre en séparé. Il y aura pour McCartney Teddy Boy sur l'album McCartney en 70. George Harrison nous chantera Wow, qui est la pédale Wawa, qui n'est pas le cri du chien. En 1970 aussi, sur l'album Things Must Pass. Et Ringo Starr nous poussera un Love is a Many Splendid Thing sur Sentimental Journey en 70. Vous l'avez compris, on va se concentrer sur 70, quelquefois 71, je crois. Je ne suis pas sûr, je regarde. Non, on reste dans l'année 70. Oh, bah c'est très bien. Non, il y a un single de 71. Allez, on commence avec le premier titre, Working Class Hero. Bonne soirée à l'écoute de RIG, c'est la saga des Fab Four. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. Can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class

Je suis persuadé que vous ne m'en voulez pas. Je vous ai annoncé la version de l'album All Things Must Pass. Et quand j'ai programmé les chansons, je me suis trompé. J'ai pris l'album, la version plutôt du concert pour le Bangladesh. C'est pas grave, c'était bien quand même, hein. Maintenant, c'est Ringo Starr. Plus calme, plus doux. Love is a many splendid thing sur RIG. L'album de 1970 de Ringo Starr, Sentimental Journée, a été 22e aux USA et numéro 2 quand même en Grande-Bretagne, il fallait le dire. Nous avons écouté John Lennon, Working Class Hero, Paul McCartney et Teddy Boy sur l'album McCartney, qui avait été numéro 1 aux US et numéro 2 en Grande-Bretagne. Wawa, alors qu'il aurait dû être de l'album All Things Must Pass, mais on en entendra d'autres extraits. All Things Must Pass, j'espère que je me tromperai pas à nouveau, puisque je vous ai fait entendre l'album, la chanson extraite du concert pour Bangladesh et non pas de All Things Must Pass. Donc cet album était numéro 1 aux US et numéro 1 en Grande-Bretagne, voilà. Et puis à l'instant donc, Ringo Starr. Puisque nous avons parlé des quatre, il faut parler des Beatles. Et pour tout savoir, c'est le site de Lovely Rita. Qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours, même 8 jours, 8 days a week. 51 ans plus tard, on en est toujours au même point. All we are saying is give peace a chance. On était sur l'album de la semaine, mais on y revient tout de suite, puisqu'il est temps d'y retourner. Après toutes les 5 chansons en principe, je vous ai dit, il y aura beaucoup, beaucoup d'extraits de cet album Plastic Ono Band. Voici Mother sur RIG. Mama, don't go.

Quel travail de qualité qu'il y a eu dans cette année 1970. Imaginez pour ceux qui découvraient au moment même, en 1970, les albums. Il y a eu deux albums pour Ringo Starr, Sentimental Journey et l'album Bookups of Blues. Pour George Harrison, un triple album, All Things Must Pass. Pour John Lennon, Plastic Ono Band. Et pour Paul McCartney, l'album McCartney. Mais, en plus, on rajoute en avril 1970 un album des Beatles. Ça fait quand même un paquet de sous à débourser pour les gens qui adoraient les Beatles. Et il y en avait quand même un certain nombre. On reste avec l'album de la semaine dans la saga des Fab Four numéro 493 sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles avec cet extrait donc que nous ne connaissions pas jusqu'à présent, une jam faite par John durant l'enregistrement de Plastic Ono Band, et c'est Mystery Train à l'instant sur RIG. Écoutez. Train I ride, 15 coaches long. I don't want no coach or plane. Just give me that train. Train of life. Train I ride. She's a train of life. I don't want no coach or plane. Just give me that train. Train of life. Don't give me no coach or plane. Just give me that train. me that. Okay. Thank you. si on a découvert récemment que les Beatles auraient peut-être voulu enregistrer un autre album après Abbey Road, qui est le dernier officiellement enregistré, ils en parlaient, hein. Ils n'ont pas été plus loin, ils ne sont pas allés plus loin qu'en parler. Mais ils auraient peut-être pu en faire un autre. Quand on voit la qualité de ce que nous sort George Harrison en 1970 sur All Things Must Pass, on comprend qu'il avait besoin un petit peu d'air de façon à pouvoir sortir tout ce qu'il avait dans son esprit de bonne musique. Il n'en avait pas assez sur juste deux plages sur un disque. Juste, c'était pas assez. Puis Ringo, ça va. Il aurait fait n'importe quoi, il aurait suivi tout le monde. Beaucoup de blues. I left Louisiana. I had me big plans to go out and take me all over this land. To see me the world, I left my sweet girl and gave it a whirl. But now here I stand alongside the road with holes in my soul in my shoes and buku's the blues. The freedom should bring. I see me today, but no yesterday. For I threw away my most precious things. I see me a man who's lonely, wants only to lose. Buku's a blue. Si sur cette chanson-là, il n'y aurait pas les Jordanaires, vous savez, le groupe d'Elvis, parce que il y a quelqu'un qui a une voix très grave là. Oh, I'm coming home. Et Elvis avait l'habitude d'avoir un gars comme ça. Je ne me souviens pas de son nom, mais on est à Nashville. Memphis, c'est à côté. J'y suis allé et à Nashville et à Memphis. Au niveau de l'Amérique, c'est pas loin. C'est franchement pas loin. Donc peut-être qu'il y avait les Jordanaires ou alors quelqu'un qui parle très grave. Et après tout, ça arrive. Ça arrive à pas mal de gens. Bref, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine dans la saga des Fab Four numéro 496 sur RIG 90.7, c'est Plastic Ono Band par John Lennon en 1970. Voici une très très belle chanson d'amour, Love, tout simplement. Thank you.

S'il l'avait chanté en français, ça aurait fait « Chaque jour, elle prend un bain le matin, elle mouille ses cheveux et enroule une serviette autour d'elle, alors qu'elle se dirige vers la chaise de la chambre. C'est juste un autre jour, glissant dans ses bas, sautant dans ses chaussures, cherchant de la monnaie dans la poche de son imperméable. » Ouais, c'est moins bien, c'est mieux en anglais. C'est mieux chanté par Paul McCartney. Voici un moment extraordinaire de l'album All Things Must Pass. Isn't it a pity? George Harrison sur RG. Other pain. ça donne envie de refaire un album spécial All Things Must Pass, une saga spéciale All Things Must Pass. Tellement cet album est bon, tellement c'est un excellent, un fantastique George Harrison. Allez, dans un peu plus d'une demi-heure déjà que le temps passe vite, il y aura Eric et son Johnny de A jusqu'à Z. Il va toujours jusqu'à Z. Mais en attendant, c'est l'album de la semaine par deux fois. Il y a Instant Karma, la prise numéro 5, il me semble. Je vérifie pour être sûr de ne pas me tromper, parce que ça m'embêterait. Oui, la prise numéro 5. Et après, on écoutera la prise finale, celle que vous connaissez sur l'album. Okay. One, two, three, four. Instant karma's gonna get you. Gonna knock you on the head. You better think about it, darling. Pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. Trying to do, it's up to you, yeah, you. Instant karma's gonna get you, gonna look you right in the face. You better get yourself together, come and join the human race. How in the world you gonna see who on earth you think you are? Hit you, gonna hit you right on your feet. Better recognize your brothers, everyone you meet. Why in the world are we here? Surely not to live in pain and fear. Oh, why on earth are you there? You're everywhere. Come and get your share. But we all shine on with the moon and the stars and the sun. But we all shine on. Everyone, come on, mais ce coup-ci, version finale. Instant karma's gonna get you. Gonna knock you right on the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. Karma's gonna get you. Gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. get you. Gonna knock you off your feet. Better recognize your brothers. Everyone you meet. C'est bon d'écouter cette belle musique. Voici Paul McCartney maintenant. Maybe I'm amazed. Maybe I'm amazed the way you pulled me out of time. You hung saga des Fab Four, c'est sur 90.7 et le mercredi soir, pendant 2 heures, c'est la radio des Beatles. L'album de la semaine, c'est l'album Plastic Ono Band, sorti en 1970. En voici 2 extraits, Give Peace a Chance, mais pas la version que vous connaissez, la version de la prise numéro 4. Puis il y aura Love, que vous avez entendu tout à l'heure, mais la prise numéro 9 à la suite dans la saga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. We'll be right back. guitar note. Love is real. Real is love. Love is feeling. Feeling love. Love is wanting. Touch is love. Love is reaching. Reaching love. Love is asking. En 1971, que faisait-il Ringo Starr? Oui, je vous ai dit, c'était la plupart du temps 70 et quelques fois. En 1971, Ringo Starr nous chantait It Don't Come Easy sur un single. It don't come easy. You know it don't. God is a concept by which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain. Yeah. I don't believe in magic. I don't believe in I Ching. I don't believe in Bible. I don't believe in tarot. I don't believe in Gita. I don't believe in yoga. I don't believe in mantra. I don't believe in Elvis. I don't believe in Zimmerman. I don't believe in Beatles. I just believe in me. Yoko and me. And that's reality. The dream is over. What can I say? The dream is over. Yesterday I was the dream weaver, but now I'm reborn. I was the walrus, but now I'm John. And so, dear friend, you just have to carry on. The dream. Une version plus dylanesque, je trouve, mais comme cette chanson est trop belle, voici la version finale. God sur RG. Dans la saga des Fab Four, et c'est le dernier extrait de l'album de la semaine. God is a concept by which we measure our pain. I'll say it again. By which we measure our pain. Yeah, pain. Yeah. I don't believe in magic. Just believe in me. can I say? Cette saga, on se prenait une petite parodie d'Elvis par John Lennon, une jam juste pour rigoler pendant l'album Plastic Ono Band. C'est un peu ça, les jams de John. Jam de John, c'est pas mal. C'est un petit peu n'importe quoi. C'est moins bien que quand c'est fait par Paul. Allez, bye bye Blackbird, c'est Ringo sur RG. Pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. Bye bye Blackbird. Where somebody waits for me. Sugar is sweet, so is she. Bye, bye, Blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Here I go, singing low, bye. see. Bye, bye, bye, bye, blackbird. I said, no one here can love and understand me. Oh, wild heart love stories they all hand me. So make my bed and light the light. I'll arrive late tonight, blackbird. Termine trop vite. Ça passe trop vite, 2 heures. Et dans quelques instants, je sais que vous n'allez pas le regretter puisque vous aurez Eric avec sa voix suave et toutes ses anecdotes sur Johnny Hallyday. On part de John et on continue avec Johnny Hallyday. On reste dans le rock and roll. À très très bientôt pour une nouvelle émission. Salut, ciao.